sont là, chez Béo dans le montagne, puis ils font des lois dans l'intérêt du pays, qui disent. Dans l'intérêt du pays, puis ils pensent que je vais créer ça. C'est dans l'intérêt de leur compte en banque. Là, d'un coup, qu'ils ont fait deux estis de show, là. Ben là, ils nous regardent devenir de plus en plus pauvres, de plus en plus dangereux, de plus en plus fuckés. Défaillance, c'est stade. Défaillance, c'est stade. Défaillance, c'est stade. Défaillance, défaillance, c'est stade. Nous sommes bons, et ils sont contrôlés. Nous sommes bons, et ils sont contrôlés. Est-ce que vous êtes un violent vous-même? Oui. Ici. Là. Dans ma tête. T'aurais pas dû compter, moi j'étais mon fils de shit. Mon bruit dans ta balle, mon domaine dans le style de sourire. Badassac. Pour ta grave à décider, faire si mon logis d'en vache. Le porteur, la jeune, c'est pour des actes, c'est pour souffrir. Cover it up for a family. Let him understand us some more. nothing, pute! Fuck off! Oh! caché en ciboire. Y'a plus personne de révolté. Sauvé juste pour penser grandi. On voit sortir de nos vieux potes. Ceux qu'on a vu crever. Avec qui on a tout fait. Nous les oublierons jamais. Hey, mon Dieu. À soi, j'te paye la brosse. Hey, mon Dieu. À soi, j'te paye la brosse. Avancez voleurs, nous détestons.